J'ai même mentionné comme quoi que j'avais été sur le bateau d'Accurso. C'est des relations d'affaires qu'on a fait, des relations de travail plutôt, excusez d'avoir, là. C'est pas dans mon langage, normalement. J'ai vraiment eu un petit manque dans mon cerveau, là, mais... Voter pour lui dimanche prochain, il deviendrait le maire de bien des mères et de leurs filles. Accueillons le sexe symbole de l'humour municipal, votre animateur, Jean-Philippe Vaudier. Hey boy. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Il y a une proximité encore une fois ce soir. Hein? On est tous très, très proches. Hey, bonsoir, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre la très, très mauvaise nouvelle qu'on a eue cette semaine. Hein? Il n'y aura pas d'élection provinciale cet automne? C'est comme ça. Fred Savard, bonsoir. Allô? Ben voyons donc, Fred. Qu'est-ce que vous aimez tant dans les élections, vous? Ben, c'est trippant, les élections. Ben, regardez la belle campagne municipale qu'on a eue. Mon Dieu, vous vous énervez à pas grand-chose, hein? Ben, c'est vrai, j'adore le yogourt nature. Bon, OK. Bon, c'est assez, là. Ben, on va... hey, voyons, on a une grosse semaine. Ben, on a une grosse semaine. Hey, la commission Charbonneau, c'est assez pour vous faire sourire, ça. Ah. Hein? Avez-vous suivi ça cette semaine? C'est extraordinaire. Avez-vous vu surtout les belles photos des parties chez Tony Accurso? Hein? On va se le dire, par contre, ça vieillit mal, hein, des parties du millénaire. Hey, c'est moins... Un big shot avec un chapeau ridicule, là, ça nous rappelle que c'est du monde comme nous autres. Ben, parlez pour vous. Ah ben? Voyons donc. J'ai pas de chapeau. Ah, pas de chapeau? Non, moi, j'ai pas de... En tout cas, une chose est certaine, après avoir entendu les écoutes électroniques, je pense que le titre du livre de Jocelyn Dupuis est un peu trop long. Hein? C'était quoi déjà le titre de son livre? Syndicaliste et voyou. Ah ouais. Ouais, je trouve que... Non, c'était où? Ah ouais. Un beau lapsus! Qu'on s'entende, le syndicat est trop, de toute façon. Ouais, c'est ça le point, je pense. Je pense que le point pour tenir, c'est que c'était un voyou. Non, mais j'ai eu un manquement au cerveau. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Pas au petit. OK, sinon, il y a eu Ken Pereira, quand même, qui a été solide cette semaine, après 3 semaines de vacances, hein, ben de convalescence, surtout, parce qu'on a eu peur, hein, qu'il souffre d'amnésie après sa commotion cérébrale. Ouais, c'est comme, on dirait que c'est plus l'avocat de la FTQ qui avait l'air d'avoir un traumatisme crânien. Hein? Oui, je pense que lui, c'est plus un traumatisme crânien, lui. Hein? D'ailleurs, on ne savait pas, hein, il travaillait-tu pour ou contre la FTQ? C'est pas clair. C'était pas clair. Hein? Ben, en tout cas, c'était un beau groupe, ça, la FTQ. Hein? Pas de discrimination. Non, ça a l'air le fun, ça. De toute façon, pas de discrimination, mais hein, il travaille et pour les Hells et pour la mafia. Bingo. Bonnyaga, tout le monde. Solidarité, égalité, crime organisé, les trois. Telle est leur devise. Ouais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ouais. Sinon, toujours dans le domaine de la crosse, il y a eu une grosse semaine pour notre ami Denis Coderre. Oui. Hein? Non, mais c'est le temps que la campagne se termine. Hein? Non, mais il est en train de la finir ses genoux. Ouais, je dirais même sur les mognons de genoux. Ouais, ouais. C'est quoi, ça laisse détraîner. Ouais, ouais. Mais ça a commencé avec le début de semaine. Il y a eu le candidat Zambito qui a dû démissionner parce que je pense qu'il allait passer dans l'émission Enquête, c'est ça? Hey, ça a pas l'air le fun d'être invité à cette émission-là. Hein? Non, hein? Mais j'espère qu'il donne des gros cachets. Le monde va là par reculon. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que le problème, c'est qu'ils reçoivent un gros cachet avant, puis après ça, ils sont obligés d'aller à l'émission. C'est ça, là, ouais. Pas des cachets qui sont legit. Sinon, quoi qu'il y a d'autre. Ah oui, il y a eu le petit film, là, Denis chez les Acidines. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça a fait mal aussi. Est-ce qu'on enregistre, là? Oui. Ah non, mais je m'en fous, j'ai rien à cacher. Ah! Okay. Hein? On se fera pas de boudin avec ça, là! Hein? Vous êtes prêts à faire des blagues comme ça, vous? Ah, mon téléphone sonne? Ah, Maître Goldberg, je vais l'appeler après. Ouais. Sinon, boy the boy. Sinon, il y a eu, un autre de ses candidats, là, Michel Bissonnet, qui a été vu sur des photos avec un Hells à un party de Paolo Catania. Fait que c'est un autre. Ça hey, le Phil Coderre, là, ouais. C'est pas les gros chars. Hein? Non, c'est de la grosse maille. Ouais. C'est-à-dire que. Ben, juste Denis qui passe pas à travers. Ouais, ouais. Mais. Mais là, là, après tout ça, comment quelqu'un de sensé peut voter pour lui, là, vraiment? Ben, André Pratt. Il me semble qu'il donne son appui dans son édition. J'ai dit quelqu'un de sensé, là, pas une sensue. Sensé. Ah. Quelqu'un de sensé. T'as peu, là. Ben, regarde, donne-moi le temps de penser, je te reviens. Oui. OK, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, ça brasse à Ottawa. Ah oui. Hey, à Ottawa, quand même, c'est pas facile. Je veux dire, il y a l'affaire Duffy qui traîne les conservateurs vers le bas. Ben hey, oui. Ils sont rendus troisième dans les sondages. C'est une première depuis 2006. Là, ils sont troisième. Ça veut dire qu'ils se rapprochent du bloc qui est quatrième? Non, le bloc est cinquième. Ah oui, qui c'est qui est quatrième? La marge d'erreur. Ah oui. Ouais, avec 3%. Avec 3%. Ben, faut dire qu'ils ont une meilleure plateforme que le bloc. Ah non, mais c'est sûr. Puis, tu sais, sincèrement, entre un chiffre puis Daniel Payet, je prends le chiffre, moi. Ouais, ben, un beau 2. Ouais. Un beau 2, ça, ben, ça a plus de charisme que Daniel. D'ailleurs, on le salue. Parlant de marge d'erreur, il y a Rob Ford qui a pas eu une belle semaine. Oh, non. Oh boy, ça a pas. La police a retrouvé le film où on le voit fumer du crack. Ça, mais là, un instant, là. Est-ce que c'est vraiment du crack? Parce que ça peut être du crystal meth aussi, hein, de loin. Je pense pas que le point soit là. Il fume quelque chose, puis je pense pas que ce soit du coton de blédin. Ah, okay. Non, mais là, il va-tu démissionner, là? Je veux dire. Non. Il veut finir son mandat parce qu'il veut continuer à faire économiser les Torontois. Ah, ouais. C'est beau, ça, comme geste. Ben oui. Parce qu'en fait, il achète son crack en grosse quantité. Ah, ouais. Puis on le sait, c'est connu, une palette de crack, hein, ça revient moins cher que l'acheter au grand. Ah, ben c'est clair. Ben, regarde, ma mère faisait ça. Ah, ouais. Ça nous permet. Nous permettait de mettre du crack sur nos toasts. Ben ouais. Hey, non, mais heureusement, nos invités de ce soir ne prennent pas de crack. Enfin, je pense pas. Je sais pas, je suis pas abonné avec vos vedettes. Ouais, ben je vous le dirai. On reçoit tout d'abord la toute nouvelle vedette de VTL, Éric Salvaille. Ouais. J'ai pas regardé, moi, son talk show encore. Moi, je l'ai regardé, c'est très, très bon, honnêtement. Je sais pas, moi, les talk shows, on dirait que j'aime pas bien ça. Non? Ah, des invités, des chroniques, de l'humour baveux. Je sais pas, on dirait que j'ai fait le tour. Ouais, ben, c'est sûr que c'est moins bon à TV qu'à radio. Ouais, hein. Je pense c'est ça. L'affaire. C'est ça. On reçoit également la directrice du TNM, Mme Lorraine Pintal, qui va être ici avec nous. Très bien. Ouais. Je sais pas, moi, les pièces de théâtre, j'aime pas bien ça. Des comédiens, des répliques, quatrième mur. Ouais, bon. Côté cours, côté jardin. Ouais, j'ai pas le pouce vert. Hein. Ouais, ça aide pas. Hey, mais heureusement, Fred, on a encore le temps de vous convaincre parce que la soirée est encore jeune. Hey, ça commence fort. Olivier Niquette, bonsoir. Salut. L'Internet. Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront lire un article du Journal de Montréal au sujet d'un gars qui a tellement regardé TVA que le logo de la chaîne est resté imprégné sur sa télé. Hey, j'ose pas imaginer ce qu'il y a d'imprégné dans le cerveau, pauvre monsieur. OK. Courrier des auditeurs. D'abord, il y a Wilson Guzman sur Twitter qui nous dit « Looking for an amazing adult show filled with amazing breathtaking acrobatics? La soirée in New York City is the perfect masterpiece. I am in love. » Bon, ben, merci, Wilson. Ça fait chaud au cœur. Vous êtes bon, anglais. Merci. Sinon, il y a Sylvain Labranche qui nous demande « Est-ce que l'équipe et le public sont déguisés pour l'Halloween aujourd'hui? » Ben, il y a Fred qui a l'air d'un vieux monon grincheux, puis Jean-Philippe d'une guidoune avec un toupette. Fait que non. Personne n'est déguisé aujourd'hui. Ouch! Alors, vous écœurez pas avec votre look Harry Potter. Vous. OK, on va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, bonsoir. Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Oui, très, très, très bien, merci. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est le moment que vous attendez toute la semaine, celui de mon segment « Viens voir les politiciens municipaux ». Hey! Voyons donc! C'est donc bien agressant, cette musique-là. On n'est pas dans un rave à 4 heures du matin. C'est quoi, ça? Ah, ben c'est le thème de l'émission de Bazo le matin, Jean-Philippe. Ah. Ben, arrêtez ça. Ben, en fait, c'est parce que je voulais un thème un petit peu plus festif aujourd'hui, car c'est une édition bien déprimante de venir voir les politiciens, parce qu'en fait, c'est la dernière mouture aujourd'hui. Et ce soir, je me trouve à Québec. Ben, mais attendez un peu, là. Ouais. Là, on va revenir sur ce thème-là. Ils mettent pas ça à 6 heures du matin, toujours. Arrêtez, là. Oui. Ben, voyons donc. Ben, je pense que oui. Je sais pas. Moi, j'écoute Arcan, mais je pense que c'est vraiment... Bon. Moi, je le trouve très bon, ce thème-là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, vous dites que vous êtes à Québec, c'est ça? Oui, je me trouve à Québec. Oui. Écoutez, tout ça a commencé avec un courriel d'un auditeur que j'ai reçu cette semaine. Je vous le lis à l'instant. Ouais. Hey, le SMAT, est-ce que tu vas en revenir de ton grand Montréal? Est-ce que tu as l'intention de finir par regarder ailleurs que dans ton petit nombril et voir ce qui se fait à Québec, par exemple? Alors, je me suis dit, voyons, de quoi il parle? Est-ce qu'il se passe quelque chose à Québec? Et imaginez-vous que il y aurait des élections municipales aussi à Québec, Jean-Philippe. Ben, voyons donc. Je vous jure, je me suis dit des élections municipales WTF en même temps que nous. Hey, ils sont donc bien copieurs. Ben, je sais. Je le sais. Ils sont tellement complexés, ce monde. Je sais, ils sont petits. Hey. Petits. Mais bon, j'avais jamais entendu parler de cette campagne-là. Puis en plus, j'ai pensé, pourquoi faire des élections à Québec? Il me semble qu'André Boucher a fait un job. Ouais, je sais. Je pense qu'il ne doit pas vraiment y avoir d'opposition, mais en tout cas, quand même, par souci de journalisme aguerri, je suis quand même ici à Québec. Et je vais tenter de trouver un candidat à interviewer dans quelques minutes, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ah, bonne soirée, là. Premier invité, Fred. Il anime son nouveau talk show de fin de soirée depuis une semaine et ça fait déjà jaser dans les chaumières. Accueillons la nouvelle star de VTL, si on exclut Pierre Brassard. Voici monsieur Éric Salvay! Bonsoir! Comment ça va? Ça va bien! Ça va bien. Ah, hey, c'est aussi beau que chez vous, ça. On aime ça faire de la radio, on n'a pas besoin de s'arranger. Non, je sais. Je parle pas de moi, je parle de vous autres. Non, je sais. Notre première rangée, par exemple. Avez-vous que notre première rangée est quelqu'un qui s'est déguisé en Jean-Philippe Vautier? Ben oui. Non, mais pour vrai. C'est extraordinaire. C'est beau, hein? Mais c'est le fun, là. Il y a de la proximité ici. Oui, ça, il n'y a pas de doute, là. On ne peut pas être plus assis sur les genoux de ton public. On pourrait, mais ça serait une violation des droits de l'homme, je pense. Oui. Ouais. Éric, merci de venir parce que. Ça me fait plaisir. Tu sais que je viens. Oui. Ouais, attends, je vais finir ma phrase. Non, mais. On peut à chaque fois que tu m'appelles. C'est. Oui, non. Hein? C'est une drôle de phrase. Ouais, hein? C'est bien mal tourné. À chaque fois que tu me le proposes, je viens. C'est-tu mieux tourné, ça? Pas plus, c'est pas mieux, dirais, non. Attends un peu. À chaque fois que tu m'appelles, j'arrive... Ça va être, tu réponds. Je réponds. Bon, ça va être parfait. Bon. Ça va être notre extrait la semaine prochaine pour ouvrir le show, je pense. Je pense que oui. Vous êtes occupé. Ce temps-ci, justement, tout le monde en parle, et vous allez être le dimanche, vous êtes assis juste à la télé ce soir, juste à la TV qui est à 23h à RTV, je le dis pour les gens qui veulent l'écouter. Il y a une diffusion aussi à 21h. Je suis pas certain de celle-là. À RTV, en même temps que Deux hommes en or. C'est spécial. Et dans le moment, il y a quand même une guerre d'écoute entre les deux émissions. Hein. Oui, qu'on remporte, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Non, mais faut le dire. Non, mais faut être fier de nos codes d'écoute. Est-ce que vous êtes fier des vôtres? Absolument. Ça va très bien en mode salvaille. En mode salvaille. Ça se dit mal vite, par exemple, je vais vous le dire, votre titre. En mode salvaille? En mode salvaille. Non, moi je trouve que c'est. Non seulement ça se dit bien, je trouve que le titre est exactement ce que le show représente, notre titre. Le titre représente le show. Je trouve ça formidable. C'est vrai? Être en mode salvaille à 22h, c'est le fun, on se détend. C'est une alternative aux nouvelles. Je n'ai jamais eu, ça je suis très sérieux, là, je vais tutoyer pour revenir sérieux. Je n'ai jamais eu, Jean-Philippe, autant de commentaires. Des gens du milieu, des gens du public sur Twitter, Facebook, les gens qui me croisent dans la rue m'envoient des messages textes, courriels, téléphones, je sais pas, parce que peut-être que je suis plus près de mon X que jamais. C'est exactement ça. C'est ça que tu t'en avais dit. C'est exactement ça. Et je suis très content parce que, en fait, c'est dans ce créneau horaire-là la plus grosse cote d'écoute qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Puis on est content, mais même, on peut en revenir des codes d'écoute. C'est l'idée de s'amuser et d'offrir une nouvelle... Une nouvelle offre aux téléspectateurs, le talk show de fin de soirée qui est de retour. Combien les codes d'écoute? C'est 348 000. Ah, quand même. Ce qui est très bon parce que ça a battu le... Gros comme gros comme Laval. Non, Laval, c'est 100 000. Hein. Ben là, vous en parlerez plus tard. Okay. Mon Dieu, ils ont même plein de vos interventions. Oui, mais je suis content. Hein? Toi, tu peux le dire. Moi, je n'osais pas. Non, je sais. Mais non, c'est intéressant parce que... tu t'en allais dire. Je vais te laisser compléter. Parce 348 000, c'est beaucoup plus que le TJ 22h de Céline Galipeau. Un petit peu moins quand même que Sophie... Thibault, merci. Sophie Chose. Mais non, mais je m'en rappelais plus de son nom. Ben voyons, Sophie Thibault. Elle a des nouvelles lunettes, mon ami. Oui, mais on brunch ensemble. Dans deux semaines. C'est vrai? Mais tout ça pour te dire que. Parce que. Chez elle, dans le Nord. Ah, OK. Oui, parce que j'anime un événement au Quintessence. Puis en redescendant, j'ai brunch chez elle le dimanche. Pas pour ça, je m'en viens chez nous. Ah, c'est intéressant pour tout le monde. Ça. Ben, mais je pense que. Non, mais il faut parler des coulisses, sinon on parle de quoi? Ça va être diffusé à quelle antenne, ça, ce brunch-là? Non, ça, c'est pas. Privé, OK. Ça, c'est pas diffusé. C'est pas diffusé. Je te garantis que tu voudras pas voir ça à la télévision. Bon. Ça pour te dire que c'est intéressant parce qu'il faut créer l'habitude en télé. Puis c'est pas vrai que parce qu'on commence une nouvelle émission que soudainement les gens abandonnent toute leur habitude, tout ce qu'ils faisaient avant et qu'ils viennent nous regarder automatiquement. Alors un talk show de fin de soirée, une quotidienne, il faut installer ça. Puis à un moment donné, les gens se disent ah ben c'est le fun, je vais aller voir. Puis ils restent. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je vois que les gens n'abandonnent pas en cours de route parce qu'évidemment quand on est fou comme moi, on analyse les codes d'écoute à la minute. Et Moi, nous autres on fait ça aussi. Non mais c'est parce que les gens qui prétendent le contraire, on les croit pas. C'est des hypocrites. On est stressé le monde dans à TV. En TV, on les regarde. À radio moins parce qu'on est tellement hot. Ouais. Mais non, on est. J'ai tellement peu écouté. Ça n'a pas ri, hein? Ben non, comment ça se fait? Parce que les gens nous respectent. C'est des gens de qualité qui nous écoutent, par exemple. Exactement. On a un public de qualité. Exactement, c'est pour ça que je suis venu. On est capable de les nommer, mais ils sont fins. Bon, écoutez, c'est ça. Fait que donc, l'intéressant, c'est. c'est que les gens ne décrochent pas jusqu'à 11h moins quart. Ça, c'est un bon signe. Puis vous savez quel autre bon signe que ça donne, ça aussi? C'est que, non, mais j'en ai plein des bons signes. C'est que de donner l'habitude ou de redonner l'envie de voir des talk shows de fin de soirée, bien, il me semble que ça donne espoir en la TV, ça. Parce que c'est bon, des talk shows. C'est le fun, des talk shows. Oui. Mais on a complètement oublié que ça existait de la télé québécoise pendant plusieurs années. C'est une question de financière. C'est bête de même. Ben ouais, mais à quel point V a de l'argent à ce moment-là? Ils n'en ont pas. Ah! Ils n'en ont pas si tu compares à TVA ou à Radio-Canada. Mais comment vous faites pour faire cette émission-là? Ben, c'est la beauté des créateurs du Québec en télévision, puis ça ne s'applique pas juste à cette émission-là, ça s'applique à bien d'autres. C'est qu'on fait des miracles avec peu. Ouais. On arrive à faire un show, je pense, de qualité, divertissant, avec les moyens de... On a quand même des moyens, mais tu sais, rien comparativement à des gros talk shows qu'il y avait auparavant, qu'il y a déjà eu, des points J de ce monde qui avaient de l'argent, parce que c'était une autre époque. Aujourd'hui, ça existe moins. Puis c'est ça qui est intéressant. Tu regardes les talk shows américains, puis maintenant, c'est qu'on a accès à ça par Internet. Ouais. Même si on n'est pas là à minuit et demi pour regarder Jimmy Fallon, tout ce qui fait de viral et de plus intéressant nous arrive en pleine face. Donc, on se dit, ah, c'est fabuleux. Et là, ça nous craint parce qu'on voudrait reproduire ça, mais il faut se calmer. On n'a pas toujours cette possibilité-là financièrement au niveau de l'équipe, au niveau, évidemment, ils ont Tom Cruise, ils ont Justin Timberlake, ils barrent les rues, ils barrent le Hollywood Boulevard. Ben oui, non, je sais pas. Je veux dire, puis nous autres, bon, on a qui on peut. Hein? Oui, oui, puis bon, on barre la rue Panet. On barre la rue sur Panet. Ouais, bon. Mais ça reste qu'on arrive avec le moins de moyens, mais avec moins d'équipe, moins de staff, à autant de créativité, je trouve. Ben, mais c'est la même chose en radio. Hein. Je veux pas nous... Exactement. On est capable de faire des fleurs. Non, mais c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que vous voulez? Je me rappelle à un moment donné que vous avez parlé que vous faisiez des choses sexuelles sur Adlib. Hein? Oui. Oui, en écoutant Adlib. Oui, je l'avais dit même à cette antenne-ci. Oui, arrête. Et donc? À l'émission « On n'est pas bronzé l'été », là. Ah, mon Dieu, c'est niaiseux. Comment ça s'appelle, cette émission-là? Non, mais c'est... L'été, on est bronzé. C'est mort et enterré. Ça reviendra pas, non, ça. Ben, regardez. On se le souhaite. Le bon goût triomphe. Ben ouais. Non, mais c'est intéressant parce que maintenant que vous animez... Non, je dis ça, mais il y a Jean-Philippe Cipriani qui faisait partie de cette émission-là. Ben, peut-être qu'il faut dire, là, c'est que je faisais l'amour... En regardant Adlib. Oui, j'ai eu une blonde pendant 3 ans, de 19 à 22 ans. Et c'était l'époque d'Adlib, là, qui est bon, c'est un succès. Ouais. Et je regardais, c'est là que vient mon goût pour le talk show. Et je regardais donc Adlib. Puis elle habitait en résidence à l'Université de Montréal, dans un petit cocheron, là. Ouais. Puis le lit était face au frigo. Sur le frigo, il y avait la TV. Fait qu'en en baisant, je regardais Adlib. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui font la même chose avec vous? Maintenant. Ça, j'aimerais ça. Ah, c'est vrai? Ça, j'aimerais ça. Avoir des commentaires, avoir vidéo si c'est possible. Ben, je sais pas. Non, mais je lance ça. Moi, à l'époque, je voulais pas envoyer de vidéo. Ben, là, non. Ça existait pas. Là, ou en VHS. Faut la louer une super vite. Mais là, c'est facile de se filmer. Tout le monde le fait. Avoir un sextape. Moi-même. Hein? T'as-tu un sextape? Si, ben, plusieurs. Ah oui? Oui. Je vais t'inviter à mon show. Okay. Mais les gens, j'espère que les gens font l'amour sur mon émission. Ben, j'aimerais c'est ça. Tout ce qu'on souhaite. Parce que j'inspire je pense que j'inspire le sexe, parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui... Il y a beaucoup d'animateurs qui n'inspirent pas le sexe. Ben, comme je le sais. Toi, t'inspires le sexe, mais si tu prends, je ne sais pas, moi, Grégory Charles, par exemple, il n'inspire pas non, le sexe. Non, c'est ça l'affaire. Julie Snyder, ça l'inspire pas le sexe. Parce que le maillon faible. C'est... Oui, alors que nous deux, réunis, Jean-Philippe. Non, c'était carrant. Imagine-toi le trip que ça serait. Ça débile. On va changer de sujet. Oui. Tu sais, vous, t'as-tu? Oui. Vous avez été animateur de foule longtemps. Oui. Ça, on vient là-dessus, mais nous, on a une foule qu'on. Moi, je dirais, on n'a pas d'animateur de foule. Non. On va se le dire, on n'a pas les moyens d'avoir un animateur de foule. Non, on n'a pas d'animateur de foule. Hein. Ah, t'es malade. Non. J'ai vécu une expérience traumatisante à l'émission Claire Lamarche. C'est-à-dire? Je ne peux pas recommencer ça. Ah, non, mais on... C'est, j'étais invité à l'émission Claire Lamarche pour parler de mon métier. Ouais. Et là, pendant le générique, tout, l'émission commence. Là, vient me glisser à l'oreille. Au début de l'émission, je vais te demander d'animer la foule. Là, je suis là. Oh mon Dieu! Il restait 5 secondes à son thème. Puis là, me dit, Eric. Et là, c'était catastrophique parce qu'un animateur de foule à la télé, c'est pas bon. Ou à la radio. Ouais. C'est fait pour ne pas être vu. C'est ça. Exactement. Mais moi, c'est drôle parce que c'est moi l'animateur de foule ici. C'est c'est fait pour ne pas être vu et entendu. Ouais, c'est ça. Non, mais la question toute simple que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on a un bon public? Mais moi, je dirais, c'est la première fois que je viens, mais je dirais que jusqu'à maintenant, c'est le meilleur public que j'ai jamais eu. Dans la catégorie de gens intellectuels assis un par-dessus l'autre, c'est vraiment le meilleur c'est public. C'est pointu comme catégorie. Oui, j'ai pas fait tant d'émissions que ça dans cette catégorie-là. Ah, mon Dieu, que c'est merveilleux. Oui. J'ai envie de continuer encore, mais faut passer à d'autres choses. Ah, mais non, je viens d'arriver. Je sais, non, mais il me reste encore. C'est donc bien bousculé, cette émission-là. On dirait que je regarde mon propre show. Oui, mais... on dirait que c'est Fabienne Larouche, hein? Oui. Ben oui, qui est obligé de se faire couper. Hey, ça, c'est la spéciale. Oui, c'est dur de faire du direct, hein? Non. Ah, ben ça paraissait pas. OK! Ouais. Hey, calme-toi, ça fait 20 ans que t'es ici à radio. Moi, c'était mon deuxième show. Je maîtrisais pas encore le 45 minutes, puis je le maîtrise pas plus. Probablement que ça va paraître encore la semaine prochaine. C'est que c'est un 45 minutes qu'il faut apprendre à maîtriser. Ouais. Le direct faisant... Ah, c'est pas facile. Mais nous autres, on est pas en direct, on est enregistré un petit peu avant le show. Ouais. Oui. Mais on me fait signe que ça serait le temps de finir, parce que ça, on... Mais vas-y, est-ce que je reste? Ben oui, ben oui, ben oui. Parce que j'aimerais ça écouter Mme qui s'en vient. Ben oui, ben vous allez interagir avec elle puis tout, c'est un talk show. Ah oui, OK, je reste. Ben c'est un talk show, vous savez comment ça fonctionne? Mon Dieu, j'aurais dû aller voir la dernière pièce au TNM, j'aurais dû quelque chose. Ben oui, non mais... Je ne l'ai pas vu non plus, je comprends sur ça. Non, OK, bon, mais on va s'arranger. OK, pas de problème. Fais la rentrée. Non, mais il y a deux, trois personnes qui l'ont vu. OK, okay. Mais c'est pas tout de suite. Ah. Il y a des élections municipales qui vont se tenir dimanche partout au Québec et il y aura sûrement des aubaines à faire et c'est pourquoi je nous propose d'aller rejoindre notre ami Serge Quelque Chose. Salut tout le monde, c'est Serge Quelque Chose en direct de l'entrepôt municipal pour la grande vente de fin de saison électorale. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de nos rabais incroyables sur toute la marchandise et là, on parle aussi de pancartes. On a des pancartes hallucinantes de Luc Ferrandez à laisser aller pour des pinottes. Faut juste venir les chercher en Bixi parce qu'on n'a pas de place de stationnement. On a des pancartes de Michel Brûlé, idéal si vous vivez dans un endroit avec des plafonds cathédrales et comme le dit le boss, hey, ceux-là sont grosses en sacrament. Si jamais vous aimez le style agent immobilier, on a un lot de pancartes de Mélanie Jolie à laisser aller. Vous pouvez les découper, en faire des éventails, tant qu'à faire du vent. On n'a pas, par contre, de pancarte de Denis Coderre, mais on a un ensemble de soupers spaghettis à son effigie, idéal pour ramasser 260 000 piastres en une soirée. Ça comprend un gros chaudron. Ici, on parle pas de Denis, mais bien de la sauce en cacane et des nappes blanches en papier. On a également des ensembles d'autocollants de l'équipe La Bombe à mettre sur vos bumpers de char. J'en ai justement un dans les mains. On peut lire dessus. Les syndicats, ça pue. Toujours de bon goût pour se balader sur la Grande Allée le dimanche après-midi. Pour les amateurs de nouvelles technologies, on a le système de robocalls utilisé par Marcel Côté. Et si vous dites Louise Arel au moment de payer, on vous donne une autre réduction de 50%, ce qui correspond à la réduction de Louise Arel dans son propre parti. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de la grande vente de fin de saison électorale. Et comme disait Gérald Tremblay, à 0% d'intérêt, c'est une excellente raison de s'en mettre plein les poches. Et que c'est drôle, hein? Ah, ça, la radio, c'est fou comme ça. Mais, hein? OK, Jean-Sébastien Girard, vous êtes à Québec, là, c'est oui, ça? Oui, je suis toujours à Québec, de retour à venir voir les politiciens municipaux. Et évidemment, Jean-Philippe, parce que nous sommes une émission pan-canadienne, je fais présentement semblant de trouver que les choses qui se passent à l'extérieur de Montréal sont intéressantes. Donc, je parle aujourd'hui avec le seul véritable adversaire de Régis Labombe, quoique, selon toute vraisemblance, Régis sera réélu probablement avec plus du 2/3 d'appui, mais quand même, cet adversaire, c'est le chef du Parti Démocratie Québec, et il s'appelle attendez que je retrouve ici David Hamelin. Alors, bonjour, M. Hamelin. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Non, oui, je viens de comprendre pourquoi c'était la soirée est encore jeune. Hamelin, ça enregistrait 4 heures, cette affaire-là? Pardon? Je viens de comprendre le titre de l'émission, c'est juste ça. Ah, vous êtes bien drôle. Alors, justement, un humoriste, un homme politique, mais aussi illustrateur, chanteur, humoriste, ex-journaliste et essayiste. Et là, vous voulez vous battre contre Régis Labombe, le roi de Québec. Mon petit bonhomme, vous êtes bien cute. Je veux dire, là, vous allez me regarder dans les yeux, vous allez vraiment me dire que vous pensez que vous avez des chances de gagner contre lui, mon lapin. Je peux pas vous voir, vous êtes au téléphone. Ah! Mais faites comme si j'étais là. Okay, j'ai d'excellentes chances. Sérieusement, j'ai d'énormes chances de gagner. C'est vrai, pourquoi? Parce que je suis sympathique. Oui. Voilà. Et oui. Puis, j'aime le spaghetti. Oui, mais monsieur... Monsieur Labombe aussi est extrêmement sympathique. D'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage en 2012 qui s'intitulait « Labombe, la dictature amicale ». Et c'est vrai qu'il est amical, Régis. Il est vrai, il est drôle, il est tannant. L'autre jour, d'ailleurs, entre autres, il a dit que votre parti devrait se renommer « Québec autrefois » ou « Démagogie Québec ». Venez pas me dire que vous le trouvez pas drôle un peu. Oh oui, c'est des opilants, ça. C'est des blagues comme ça, faut les garder. C'est très bon. Ah oui? Mais vous le trouvez pas si drôle que ça? Ben, ça dépend. Il y a des jours, non. Il y a des jours, c'est pas tellement rigolo. Hein. Il y a des nuages noirs, parfois, qui planent un peu ici, là. Ouais. Vous voulez pas développer? Je vous trouve bien laconique. Ah ben, ouais, c'est ça. Ouais, je suis laconique. Mais je peux vous raconter des blagues, si vous voulez, sur lui, là. C'est possible, là. Ah ben, on le fera plutôt dans le bloc 2. Non, alors, ben, d'accord. Évidemment, je voudrais vous poser des questions sur les enjeux de la campagne électorale à Québec, mais honnêtement, ça m'intéressait pas beaucoup de commencer à faire des recherches sur ce qui se passe à Québec cet après-midi. J'aimais mieux faire du Facebook. Alors, je vous demanderais de me résumer comme ça spontanément ce qui se passe présentement dans votre campagne, les autobus, le salaire des fonctionnaires, badaboum, des affaires comme ça, là. Bien, je trouve que c'est bien résumé déjà. Effectivement, il faut parler de mobilité durable à Québec, il faut parler de la congestion, parce qu'on est rendu comme ça, nous aussi. Hein. On importe chez nous les problèmes que vous avez chez vous. Je garderai peut-être Coderre chez vous, par contre. Selon moi, on va s'arrêter là pour les enjeux de Québec, parce qu'on parle de théâtre déjà aujourd'hui. On veut garder quand même un peu d'auditoire. Alors, on se retrouve quand même dans quelques minutes. Merci beaucoup. Très bien. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui trouve de plus en plus que le fond de la FTQ porte bien son nom. Hey, je suis pas sûr qu'on va se rendre à la fin de show, là. Ça va! Alors, oui, permettez-moi de revenir sur une tradition que j'avais installée l'an dernier. Allez-y. C'est-à-dire de rendre hommage à des gens qui le méritent. Vous vous rappelez sûrement, la saison dernière, j'avais rendu des hommages presque touchants à des gens comme Gilles Proulx, Jean-Luc Mongrain et parfois même Guy Fournier. Mais cette saison, je vais quelque peu innover en ne rendant pas hommage à des invités de passage à l'émission. Attention, je n'ai rien contre Lorraine Pintal, même si je n'ai jamais mis les pieds au Théâtre du Nouveau Monde. Vous savez, Jean-Philippe, je suis pas comme vous. Il faut que je les paye, mes billets. Je les reçois pas, moi. Gratis. J'ai rien non plus contre M. Salvaire, mais tu sais, les talk shows, je les ai au début, c'est comme les. Tu sais, j'en fais un talk show, moi aussi, à la radio. C'est comme les employés chez Dunkin' Donuts. Le soir, ils mangent pas des beignes comme le cerf. Non! À l'aube des élections municipales qui se tiendront partout au Québec dimanche prochain, j'aimerais rendre hommage aux électeurs qui se déplaceront pour aller mettre leur petit papier dans la petite boîte, dans le petit isoloir. Parce que ce n'est pas facile d'être un électeur de nos jours. Hey, depuis 10 ans, nous, les électeurs, avons été sollicités pas moins de 4 fois provinciales, 4 fois fédérales et 2 fois municipales. Ce sera donc la 11e fois que nous nous rendrons aux urnes. Et pour quel résultat? Ouais. Allons-nous collectivement mieux depuis 2003? Alors, pour la 11e fois, les électeurs devront choisir un candidat parmi la gang de zozo qui essaie de nous convaincre qu'ils se présentent pour le bien public. En fait, il faut les croire. Si on regarde les derniers maires qu'on a eus, ils étaient effectivement là pour le bien public qu'ils ont généreusement distribué au crime organisé. Là, je sais, on va m'accuser d'être cynique et je dirais oui, mais c'est pas moi qui ai commencé. Chapeau pointu, mange ton pète. Oh non! Humour social. Oh non! Ce n'est pas moi qui ai commencé le cynisme. Ce sont nos élites politiques qui en abusent depuis trop longtemps. Ne venez pas me dire que ça ne prend pas une dose de cynisme pour que Denis Coderre ose réunir sous sa bannière 25 anciens candidats d'Union Montréal, dont certains ont encore aujourd'hui un historique de fréquentation que ne dédaignerait pas Tony Sopranos. Et malheureusement, je ne parle pas ici de sa psychologue. Et je préfère ne pas parler de sa petite vidéo chez les acidimes pour ne pas réveiller André Pratt, qui visiblement dort au gaz en lui donnant son appui, et c'est probablement du gaz de schiste en plus. Vous me direz, il n'y a pas juste Denis. On peut aussi voter pour Marcel Côté. Oui, c'est vrai, à moins de mettre de côté le fait que le monsieur ait décidé de tasser la madame qui l'a mis sur la map parce qu'il manquait visiblement de vision, Montréal. Et qui, en plus, décide d'utiliser des tactiques viles et basses comme les robocalls. En même temps, les gens ont déjà oublié, c'était en début de campagne, et on le sait, les électeurs ont une mémoire de hamster quand vient le temps de se rappeler qui les entube. Sinon, on peut se tourner vers Mélanie Joly, une jeune femme qui incarne le changement essentiellement parce qu'elle a 34 ans et n'a aucune expérience de la vie politique, bien qu'elle a été organisatrice de la campagne de Justin Trudeau. Et j'aimerais bien comprendre comment des gens puissent être prêts à donner, déjà comme ça, à une recrue sans expérience, les rênes d'une ville de 2 millions d'habitants dotée d'un budget de 5 milliards. Sont-ce les mêmes qui ont massivement voté pour des poteaux du NPD aux dernières élections fédérales? Attention, j'ai le plus grand respect pour Mélanie Joly qui déclarait hier au téléjournal, et je cite, « Une des forces que la nature m'a données, c'est d'avoir des bonnes équipes. » Ça, c'est ce qu'elle a dit hier. Alors, c'est confirmé. Mélanie Joly est un peu comme une canne de pêche d'El Monte, mère nature et de son bord. Sinon, oui, c'est vrai, on peut se tourner vers Richard Bergeron, mais comme le notait si bien Marie-Claude Lortie, la Albert Londres de l'ineptie, Bergeron mange un sandwich jambon fromage le midi, et ça depuis 30 ans, et pour elle, c'est inconcevable qu'un maire de Montréal n'encourage pas la grande diversité gastronomique de sa ville en variant son menu. Moi, je trouve ça plutôt rafraîchissant qu'un aspirant maire mange un sandwich depuis 30 ans, parce qu'à la mairie, ça fait 30 ans que les maires mangent dans les mains de la mafia, un jambon fromage aurait fait changement. Alors, en terminant, je veux dire merci aux électeurs qui exerceront leur droit de vote dimanche, car grâce à eux, nous, les humoristes, aurons de l'excellente matière pour les 4 prochaines années. Je suis pas sûr que j'aime ça quand les gens font... Ben, c'est comme... ils reçoivent ça comme un soulagement. On dirait un French. On dirait un French dans un sitcom. Oui, bon. Ouais. Jean-Sébastien, vous êtes toujours là? Oui, toujours à Québec avec M. Lemelin, politicien. Et là, si vous le permettez, M. Lemelin, assez de parler de M. Labombe et des enjeux de la campagne. Je veux qu'on apprenne à vous découvrir, vous. On sait pas qui vous êtes exactement comme politicien, même si dans un an, on va pas se souvenir de qui vous êtes. Il paraît aussi, effectivement, que vous êtes un petit comique. Même que vous avez déjà été accepté à l'École nationale de l'humour où Fred Savard a déjà été professeur, on le rappelle, mais vous avez heureusement choisi autre chose. C'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement vous vous mettiez à avoir de l'ambition, M. Lemelin? Oui, ben c'est un peu ça, effectivement. J'ai choisi d'être journaliste. C'était un autre métier qui est peut-être parfois moins rigolo un peu, mais qui peut mener à bien des choses. Vous étiez à TQS? Oui, on commençait à TQS, c'est le bon échelle. Là. Bon. Mais donc, comme on le disait tantôt, vous êtes un peu humoriste, c'est comme on est une émission drôle. J'aimerais ça justement vous entendre faire une petite blague. Allez-y donc avec peut-être une petite joke à saveur électorale, M. Lemelin. Ben, la différence entre le bonhomme carnaval et Régis Labeaume? Ben, je sais pas. Il y a personne dans Régis Labeaume. Oh! Ça arrive. C'est la meilleure à date. Ouais, à date, c'est. Je suis pas sûr. On dirait une blague écrite par les scripteurs de En mode Salvaise, si vous voulez mon avis. Voilà. Ça aurait pu être les grandes gueules aussi. Monsieur Lemelin, j'ai aussi appris que vous étiez imitateur. Vous imitez bien du monde, dont le fameux maire Labeaume. Alors, évidemment, vous vous en doutez, Monsieur Lemelin. On veut un extrait. Imiter Monsieur Labeaume. Évidemment que je ferai pas ça en campagne électorale. C'est impossible. D'abord, on peut pas l'imiter parce qu'on veut pas en avoir deux. fait que pour moi, non, je peux pas l'imiter vraiment pas parce que pour moi, Régis Labeaume, il est à la démocratie ce que le fast-food est à la santé publique. Ah, c'est bien envoyé, M. Lemelin. Vous savez ici qu'à Viens voir les politiciens municipaux, on offre la possibilité aux auditeurs de poser des questions à nos invités. Alors, pour une dernière fois, cher public, vous pouvez nous envoyer des questions à la soirée @radio-canada.ca. Dans quelques minutes, Jean-Philippe, on y répond avec M. Lemelin. Ouais, je suis pas sûr qu'on va le faire, Jean-Sébastien. C'est bien fin pareil. Ça regarde mal. Ouais, ça regarde mal pour vous, votre troisième bloc. Allez, notre dernière invitée, s'il vous plaît, Fred. Comédienne, réalisatrice et metteur en scène, elle se consacre depuis 1992 à diriger d'une main de maître le Théâtre du Nouveau Monde. Accueillons Mme Lorraine Pimpin. Ah! Soyez-vous. Bonjour. Bon, là, j'aime ça de même. Mais okay. Non, c'est mal fait, votre studio. Je le sais bien, mais c'est un studio on de... On est bas, et effectivement, on est assis sur les genoux de vos... Ben, on est trop de bas vos comme... invités, mais c'est le fun, parce qu'il y en a des beaux quand même, il y en a des belles. On est trop bas, comme chez Éric Salvaire. Ah, toi aussi, c'est bas, les fauteuils? Oui, nos fauteuils sont mais trop quoi, bas. Mais quoi, c'est-tu une torture psychologique pour les invités? Non, c'est juste que de trouver le fauteuil pour je un talk sais, show. Je le sais, c'est sans fin, je suis rendu à mon quatrième. Pour vrai? Oui, j'ai essayé trois en pilote, là, ça finit plus. Mais là, vous allez Maria Clermont, vous arrangez ça. Ben, on y a été, on a fait toute la ville. Bon, finalement. Mais là, si je comprends bien, moi, j'assume le niveau intellectuel de l'émission. Là. C'est pour ça que vous m'avez invité. Là. Ouais. Je trouvais que c'était nous autres. Ma job, mais bon. C'est ça. Ben, je sais pas. Hey, là, mon Dieu, c'est agréable. Je vais quand même me permettre un commentaire. Allez-y, je vous en prie. Moi, quand j'entends les gens dire que le théâtre, les comédies, tragédies, il y a des répliques, il y a des silences, on comprend pas, on y va pas, il y a personne qui y va. Ouais. En tout cas, moi, je dirais qu'on a, du côté du théâtre, beaucoup de respect pour les humoristes et beaucoup d'empathie aussi. C'est vrai? Parce que vous devez faire rire le monde. Oui. Ah, oui. Et c'est quand même pas toujours évident. Ben, et moi, au contraire, je jouerais le jeu et je dirais, allez voir des spectacles d'humour. Ah oui. Sortez à la danse. Ah, c'est bien bon, allez ça. Voir l'opéra. Allez au théâtre et allez entendre la musique contemporaine. C'est tellement formidable. Mais je suis ouvert à tout, moi. Bon, Un instant. C'est bien beau comme ça, mais vous savez comme moi que les dollars loisirs sont pas illimités. Dans les familles. Ouais, si les gens vont voir des spectacles d'humour, il ne restera plus d'argent pour aller voir le théâtre. Ah, t'es capable. Ah, ouais? Tu peux te débrouiller. On moi, je vais voir ni l'autre. Toutes sortes de tarifications. Attendez pas les billets gratuits. Mais allez, François Legault, connaissez-vous. Sortez de vos cubicules technologiques puis allez rencontrer le monde qui sort au théâtre. Bon, on va faire notre. On va faire œuvre utile. J'ai fait ma publicité. Ben non, je comprends. On va parler de théâtre. Bord les portes. OK? Ça sera pas plate. Sérieusement, vous êtes en poste au TNM depuis 20 ans. Oui. Vous avez dit que vous avez commencé votre mandat, que vous ne resteriez pas... J'ai commencé à 16 ans. Pardon? J'ai commencé à 16 ans. Ah, mon Dieu. Oui, ils m'ont nommé très jeune. Ah oui, c'est vrai. C'est une expérience formidable. Ben, je vous aurais donné 32, mais bon. Ah, oh, ben non. Ça y est. En commençant, vous avez dit que vous n'alliez pas rester longtemps parce que vous voulez que les organisations respirent. Donc, 20 ans, c'est pas longtemps. Non, c'est pas longtemps. C'est quoi qui est long pour vous? C'est-à-dire que, non, c'est long. Ah, c'est ça. C'est long, c'est puis ça, au départ, je pensais rester 3 ans, 5 ans. Il y avait un projet de rénovation du théâtre. Ça va pas vite, les décisions. Ben non, hein, puis il n'y a pas beaucoup de débouchés dans ce domaine-là. C'est ben, c'est-à-dire que ça a été long. Ça a pris 10 ans avant qu'on obtienne, dans le fond, les fonds pour construire le théâtre. Puis je suis très contente d'avoir été à la barre du théâtre au moment où ça s'est construit. Et par la suite, il y a encore énormément de travail à faire pour que ça devienne la vraie maison des spectateurs, des artistes. Et c'est vrai que ça a pris un autre 3 ans. Puis là, ça devient un 4 ans. Ça devient 5 ans. Ça va arrêter quand, là? Ben moi, je. Pas que je vous aime pas à la tête du TNM, je sais même pas c'est quoi. Mais. Théâtre du Nouveau Mais Monde. Non, c'est pas vrai. Voyons donc, je suis déjà allé manger dans votre restaurant. Moi, je dis mais, mais justement, le resto délicieux, c'est une... Mais je sais. Non, mais c'est un hors-d'œuvre pour aller au théâtre. Ben non, je sais bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je sincèrement, s'il fallait analyser la longévité de tous les gens qui demeurent en poste, ouais. Moi, j'analyserais ça du côté du talent, de la passion, de l'enthousiasme. Mais si ces gens-là ont encore cette passion-là et ce désir de bouleverser les choses, pourquoi il faut absolument changer? Mais je suis d'accord qu'il faut que ça respire. Mais non, mais c'est mais ça. J'annoncerai pas mon départ aujourd'hui. Mais non, non, non. Je vais rester encore 20 ans. J'ai rien contre le fait que vous restez. C'est parce que vous aviez dit que vous n'allez pas rester longtemps. Oui, mais on ne faut jamais dire des affaires comme ça quand on est nommé à la tête d'un théâtre. Comme il ne faut jamais dire ça quand on anime une émission de radio qu'on va rester pas longtemps. On ne sait jamais ce qui nous attend. Nous, ça ressemble de, moi, ça ressemble de plus en plus à un passage bref. Ah, ça va être un passage bref. Avec ce qu'on dit, à mon avis, il y a du montage à faire. Mais tu vois, tout le monde en parle. On est content qu'ils soient encore là. Il y a le page. C'est-à-dire? Oui, bien, c'est parce qu'il est bon. Il est bon, on l'aime, il fait un bon job, alors pourquoi il faudrait... Non, non, non, mais quand ça fonctionne, puis regardez en mode salvaille, à mon avis, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Ben, au moins, on n'a pas été flushé après une semaine, c'est déjà... Non, non, non, ouais, c'est une bonne c'est affaire. Déjà pas payé, non, non, non, mais de toute façon, c'est bon. On parlait des humoristes tout à l'heure, puis je trouve que le parallèle est intéressant. On dit souvent des humoristes, on pose souvent la question, y a-t-il trop d'humour au Québec? Y a-t-il trop d'offres de théâtre au Québec? Ben, parce qu'il y en a en tabarouette. Ça, c'est comme quand quelqu'un a mal aux dents puis tu lui dis, y a-t-il trop de dentistes au Québec? Je pense pas que ce soit la même chose. Ou non, oui. Je serais prêt à argumenter là-dessus, je suis pas sûr. Il y a du mal à l'âme dans notre société. Et pour moi, le théâtre, l'humour, les arts, ça nous permet justement de trouver le quotidien parfois un peu moins terne, de rencontrer du monde, de partager des moments de notre vie qui sont parfois très heureux, parfois difficiles. Et moi, je dis que c'est un des seuls endroits où on peut se retrouver ensemble dans le noir et partager la même magie. Ah, et ça pour je... moi... J'aurais des propositions, mais... Là, je parlais à plus que deux. Ah, OK, OK. Et je parle pas des clubs d'échangistes. J'avais aussi des propositions à plus que deux. C'est pas de ça dont il est question. Alors non, moi, je répondrais jamais à une question comme ça, s'il y a trop d'humour, s'il y a trop d'artistes, s'il y a trop de ci, de ça. On est ici au Québec, probablement comparable au reste du monde. On est un des endroits où il y a le plus de création, il y a le plus de créateurs. On a vraiment le droit d'être fiers de notre création et des gens qui font ce métier-là très bien, avec talent. On va pas commencer à dire qu'il y en a trop. Ça prend plus de monde, ça prend plus de gens qui viennent les entendre, les voir, qui achètent des disques, des CD. Enfin, là, ça traduit mon âge, des disques. Oui, oui. Et, bon, des VHS, c'est vrai, j'ai vraiment... Parce que je vais aller à la régie dans deux secondes. Ah, oui, excuse-moi, c'est pas la régie, c'est la SEQ. Non, mais c'est ça, c'est... Il y a toute une question de génération. Je fais partie d'une génération qu'on a initiée au théâtre. Et à tous les arts, et j'en suis fière, et j'espère que ceux qui nous écoutent, là, les plus jeunes, là, j'espère qu'ils vont avoir la piqûre. Mais comment on fait? Comment on fait pour convaincre les jeunes de s'intéresser au théâtre? Oh, bien, il y a toutes sortes de moyens. C'est sûr qu'on arrive aussi avec une accessibilité. On leur montre que c'est pas de l'ennui au théâtre. Mais comment on fait ça? On peut comprendre. Ben, écoutez. Mais attendez un peu. À l'école, amenez les enfants. Mais il y a moins en moins d'écoles. Je suis tellement d'accord avec vous là-dessus. Oui, il faut que ça commence au primaire. Bon, mais vous en parlerez après. Mais peut-être qu'une façon de faire, c'est avec votre dernière proposition, le murmure du coquelicot avec Rémi Girard, d'intégrer du cirque dans votre théâtre. Oui. Est-ce qu'il y a trop de cirque? Là, c'est vraiment pas le moment de poser la question. Ouais, c'est ça. Il commence. Moi, j'y crois. Je crois que le fait qu'on marie plusieurs disciplines entre elles, c'est-à-dire qu'on peut voir un acteur de théâtre tout à coup défier un circassien, puis qu'il y a des chorégraphes qui viennent nous montrer des danseurs et qui, tout à coup, la poésie se mêle au visuel. On a des technologies. Bon, Robert Lepage va venir chez nous. Il y a Cadéar qui vient avec le virtuel, où des acteurs en chair et en os jouent avec des images, des technologies très avancées. Et on est très fort là-dedans. Je crois que oui, ça peut aider le jeune à s'intéresser au théâtre. On peut-tu encore innover au théâtre? Ou ben oui. Faut seulement comme faire des entrées pour payer? Ben non, on peut innover au théâtre. Je veux dire, le Québec est la preuve qu'on peut innover. Montréal, aller dans n'importe quelle salle, petite salle expérimentale de recherche que vous allez découvrir, il y a de l'innovation, mais oui. Et c'est dans la manière de faire les choses, c'est dans la manière... Les textes, les auteurs sont très importants. On arrive avec des propos neufs, une manière différente de voir le théâtre. C'est un défi à chaque fois. Et c'est pas plus facile en théâtre qu'en télé, j'en suis convaincue. On a juste à faire preuve de créativité puis d'imagination. Le problème, c'est qu'au théâtre, il y a peut-être moins d'argent qu'à la télé. Il y en a certainement moins qu'ailleurs. Donc, il faut être très, très créatif avec les moyens qu'on a. Moi, je propose qu'Éric et moi, on fasse une pièce. Bon, ça y est. Laquelle? Ben là, je sais pas. Là, la jeune musique du barbouillé. Je sais pas. Moi, il faudrait y penser. Ben oui, oui, on a le temps. De toute façon, nous autres, on ne pas ça. Oui, ça pourrait être à l'affiche au TNM. Ben, je vais présenter moi le projet. On verra. Parce qu'il a déjà fait du théâtre. Je sais c'est quoi du théâtre. On a une bonne base quand même. Oui, oui. OK, je pense que... Ben, de toute façon, vous restez, puis on a le temps d'en reparler. Oh, je reste. Ben, parfait, parfait. Parce qu'il faut écouter nos prochains chroniqueurs, c'est bien important. Oui. Fred! À force d'écouter la radio Jambon à cœur de semaine, il accumule non pas du sébum, mais de la couenne dans ses oreilles. Ah. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Vous êtes fou raide. Ah. Olivier, détendez l'atmosphère. Ben oui, la semaine a commencé avec le gala de la disque animé par Louis-José Hood qui a parlé du privilège qu'ont les artistes de vivre de ce qui devrait être, dans le fond, un passe-temps. Et Denis Gravel de Radio X lui en est très reconnaissant. Déjà, si tu es un artiste et tu gagnes ta vie avec ton art, t'es vraiment riche. Même si t'es pauvre, t'es riche. Tu manges des bines, mais c'est des bines payées avec tes tounes, t'es supposé manger un bras désert en criant « I got the power », OK? Qu'est-ce toi? Tu mènes une vie de rêve. Raison. Bravo! Ça applaudit en plus! Je me suis fait envoyer chier, moi. Les amis m'ont fait une vie. Ben oui, pourquoi Denis Gravel a été conspué en 2010 pour avoir dit la même maudite affaire que Louis-José Hood? On va réécouter ça, voir. Hey, l'artiste, va chier. Regarde, on va le dire assez clairement, là, va chier. Va chier. J'ai l'impression que c'est peut-être juste dans la façon de présenter les choses, mon Denis. Peut-être juste ça. Il y a des manières plus polies de dire que la culture, c'est de la merde. Par exemple, l'idée d'Arlette Couture de vendre des livres sans l'intermédiaire d'un éditeur. Mm-hmm. Ben pour Mario Dumont, c'est comme si... Comme si une pizzeria attaquait le monde dans les cours de centre d'achat si dans leur panier, ils ont de la pâte à pizza, du pepperoni puis du fromage, puis ils se disent, nous autres, on a fait nous autres même asseoir la pizza, et que la pizzeria disait, non, moi, je suis un intermédiaire dans la fabrication de la pizza, et passez par moi. La culture et la pizza, même combat, et bientôt, on va tous lire des livres pepperoni fromage. D'autre part, en vue des prochaines élections, les radios d'opinion extrême sortent de leur légendaire objectivité et fourbissent leurs armes dans l'espoir de sortir le gouvernement péquiste du pouvoir. Et chacun a sa solution originale. Sylvain Bouchard, de Cogeco. La CAQ se fait lâcher par les gens de Québec parce qu'on va adopter une stratégie d'anybody but Pauline. OK, ne pas voter pour la CAQ pour ne pas diviser le vote. Il y a aussi Joanne Marcotte du RLQ. Ben moi, je pense qu'il faut que ça se fusionne, ces deux parties-là. De toute façon, ils ont l'habitude de la fusion, la CAQ. OK, le PLQ devrait avaler la CAQ. Il y a aussi Dominique Moret de Radio X. Pour bloquer le PQ, la CAQ devrait se faire harakiri. Merci, bonsoir. Ah, la CAQ devrait se suicider. Et il y a Jeff Filion. On est en mode destruction PQ. J'espère que vous avez compris que tout le monde aura un job à faire, là. C'est pas qu'il faut qu'on comprenne qu'il faut éliminer la CAQ, là. Non, mais c'est quand même beau la diversité d'opinions qui règne à Québec, là. Il y a deux mois, ils trippaient tous sur la CAQ, puis là, ils veulent toutes la détruire. En tout cas, on est bien loin du biais gauchiste des médias montréalais. Justement, Yann Sénéchal, cofondateur du réseau Liberté Québec, vendeur d'assurance et apprenti démographe, s'inquiétait cette semaine que le PQ fasse fuir le gros de la génération Y et qu'on se ramasse qu'avec des miettes. C'est le plus grand défi qui nous attend, parce que nos meilleurs Y, on les perd, puis on va se ramasser juste avec les Greens puis les socialistes. Si on fait pas quelque chose. Oui, un Québec vert sans inégalité sociale et sans vendeur d'assurance, personne ne veut ça. Et pour rester dans les sciences humaines, pas de maths, parlons de Québec solidaire qui, selon Léopold Lauzon, devrait recruter Gabriel Nadeau-Dubois et ce, même s'il a déjà désobéi à la loi. Je te ferai remarquer que même Jésus-Christ de Nazareth désobéit à plusieurs occasions à la loi du temps. Bon, la seule affaire, c'est que le petit Jésus guérissait les lépreux, alors que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il tue du monde, comme nous le rappelait cette semaine Caroline Proulx. Moi, je vais te dire ce qui tue du monde aussi. C'est des carrés rouges qui bloquent mon pont Champlain pour que ma sœur Marjolaine aille son traitement en oncologie. Oh. Ça tue du monde. Ouais. Mais ça, c'est pas condamné par le beau Gabriel. Fils de Dieu le Père ou assassin? Alors, venez pas nous dire qu'après ça, au Québec, on n'est pas capable de débattre de façon modérée, franchement. Parlons un peu de sport pour terminer. Ouais. Ben, la LNH a implanté cette saison un nouveau règlement qui interdit aux joueurs d'enlever leur propre casque avant un combat pour ne pas qu'ils se pètent la tête en tombant sur la glace après s'être pété la gueule. Et ça, Mario Tremblay trouve ça un peu moumoune. Comment tu vas pas jouer à la danse, à la tutelle, comment t'appelles ça, à la dentelle? Voyons donc, c'est du hockey, come on! Ben oui, c'est du hockey, come on, là, c'est bien normal que ça ressemble à de la boxe. Puis la danse à la tutelle, là, on va laisser ça à Laval puis son ancien maire en tutu, OK? Merci! Eh bien, on n'a pas beaucoup parlé de la disque cette semaine, à part pour Olivier un petit peu. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui a envie d'en parler à notre place. Allons donc écouter un peu de Jean-Étienne Eudes. Radio-Vision, le 14h30 AM. Jean-Étienne Eudes au microphone afin de vous accompagner dans la rédemption des voix des opprimés, car oui, il y en a des opprimés dans notre belle province de Québec. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visionner le dernier gala de la disque, mais force est d'admettre que le tableau n'est guère reluisant si vous maniez le verre et le flûteau, mais que vous n'êtes pas issu de la cuisse d'une fille du roi. Que de la musique blanche qu'on a invitée au bal masqué, ohé, ohé. Rien pour les musiques métissées, rien pour ces descendants de boules noires qui tente de faire résonner le fleur de lys autrement que par des mélodies caucasiennes. J'aimerais bien qu'on m'explique comment un jeune auteur, compositeur, interprète comme Karim Ouellet puisse sortir d'une telle soirée les mains vides de trophées, mais pleines d'amertume. Les boss de la musique québécoise, tels des Rhodésiens de la clé de sol, ont préféré choisir comme interprète de l'année un imitateur chanteur bas de gamme comme Marc Dupré au lieu de célébrer la négritude de Karim Ouellet. Les sœurs Boulay peuvent bien se plaindre de ne pas jouer souvent à la radio commerciale. Si elle s'était appelée les sœurs Taboulet, elle jouerait pas du tout. Ta Karim et son album Fox ont été dans toutes les oreilles du Québec depuis l'an dernier, mais aucun bronze de l'industrie n'a pensé le récompenser. C'est un blanchissage pour Ouellet qui fait mal à toute une communauté. Comme le disait la sagesse créole, caresser crabe, Ika Modoué, caresse le crabe et il te pincera. Karim Ouellet a caressé le crabe de l'industrie. Il est maintenant bien mordu. Ah, Jean-Étienne, toujours un grand plaisir. On va les retrouver Jean-Sébastien Girard. Voilà, finalement de retour, toujours avec M. Lemelin, Jean-Philippe, et beaucoup de courriels d'auditeurs. Je vous en lis quelques-uns, les plus intéressants. Ouais. Tout d'abord, le premier, bonjour M. Lemelin, que pensez-vous de la charte? J'ai peur de devoir travailler à visage découvert, et c'est signé Bonhomme Carnaval. Ouais, ben c'est une bonne remarque. Je m'engage, si je suis maire de Québec, à adopter un règlement pour protéger vraiment l'identité du Bonhomme Carnaval. Quoique, remarquez bien que j'y pense, là, on n'a jamais vu Denis Coderre puis le Bonhomme Carnaval à même place en même temps. Oh, c'est on passe maintenant à... Vous avez, bon. Et on termine avec ce dernier courriel qui nous vient d'une madame Lolo Pintal de Montréal. Et ça va comme suit. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le théâtre à Québec? Le théâtre, cet art transcendant, octogonal, ce miroir qui change le regard que nous portons sur nous et sur les autres. Ben oui, c'est une très bonne question. Ben je comprends. Je vais y réfléchir, je pense bien. Oui, on va vous laisser jusqu'à dimanche pour y réfléchir. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Hamelin, d'avoir été avec nous. Est-ce merci qu'on a beaucoup. Fait le tour? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous dire qui nous aurait échappé vu que j'ai pas fait beaucoup de recherches sur vous? J'adore votre émission. Continuez votre bon travail. Okay. Vous êtes bien. Ben, bonne chance pour dimanche et à très bientôt, Monsieur Hamelin. Au revoir. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir. Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire doit bénir les conservateurs de lui offrir le Duffy Gate. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Hey, Cipriani. Bon. Oh my God. Enfin des choses sérieuses. Hein? Hey, ça fait deux semaines qu'on vous a vu. Hein? Oui. Hey, vous deviez être occupé. Ben, hein? Une chance qu'il y ait eu la crise du Cénagate, quand même. Ben oui, ben justement, quelle crise inutile. Hein? C'est-à-dire? Ben, on s'acharne sur une institution aussi méritoire que le Sénat, où de grands esprits se tiennent debout pour faire ce qu'on leur dit de faire, finalement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On dépense plus de 537 000 $ pour essayer d'en récupérer à peu près 300 000. Ben, c'est ça. Ça, c'est de la gestion, mon ami. Oui. Bon, je vous ai exposé il y a quelques mois le rôle du Sénat ici, ouais. Là, cette espèce de résidence soleil de luxe pour losers d'élection, ex-coach analphabète, ouais. Collecteur de fonds, puis à quel point leur horaire chargé les empêche de jouer au shuffleboard dans les tranquille dans le corridor. Hein? Ouais, ouais. Mais on oublie un tout petit élément, hein? Et j'en veux pour preuve le récent jugement de la Cour d'appel qui dit qu'Ottawa ne peut pas modifier les règles du Sénat sans l'accord des provinces, et c'est un extrait véridique du jugement. Je vous lis, les historiens reconnaissent que le Sénat devrait avoir les fonctions suivantes pour les pairs de la Confédération. Donner un droit de regard aux plus nantis, incluant la possibilité de contrôler les excès des élus. Ah! Oui, Vautier, le Sénat a aussi le mandat de protéger les riches de l'infamie du peuple, hein, qui pourraient se rebeller contre l'aristocratie. Ouais. Protégeons notre Sénat contre les excès de la Chambre des communes et donnons, bien sûr, toute la latitude aux non-élus de s'enrichir avec les fonds publics. Ben oui. Ce qui nous rappelle tous la misère des riches, hein, avec Patricia Tulane, Joe Boucan et Charles Bédule Jr. Ouais. Excusez, c'est des Roland débronzés, ça. Ouais. Mais vous voyez donc tout le danger que représente Mike Duffy, le gars qui ressemble à Don Cherry sans la tapisserie, là, surnommé Duffy the Empire Slave. Je comprends maintenant, M. Harper, de détester les journalistes. Oui, oui, je comprends donc. Mais là, mais vous êtes notre correspondant. Qu'est-ce que vous faites pas à Calgary pendant le congrès du Parti conservateur? Là? Ben, j'y suis. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le périmètre contre les journalistes va jusqu'à la porte là-bas. Ah! C'est ça. Fait que c'est parfait. Ils sont fin, vous êtes le plus près possible. Ben exactement. Ah ben ils nous fournissent des bouteilles d'eau. C'est 4 $ pour le fonds de défense de Nigel Wright. C'est super le fun. Okay. N'ayez crainte, Vautier, j'ai mes espions là-bas. J'ai envoyé l'hélicoptère la soirée pour survoler le congrès. Ouais, ouais, c'est en fait un drone ou un petit hélicoptère téléguidé. Là, ouais, ça m'a permis de me glisser dans les plénières pour vous rapporter un peu les coulisses du congrès. Ah, le plaisir qu'il y a au BMO Center de Calgary, là, ville de l'argent. Des sables bitumineux, là, du Saddle Dome, des Flames, puis lieu de naissance de la moustache de Lanny McDonald. C'est vrai, ça, ouais. Ça, c'est une belle moustache. Le programme disait, et je cite, que la tenue vestimentaire western était de mise. Et effectivement, il y a beaucoup de chapeaux. Là-bas, c'est comme une trolley de MC Gilles qui sentent le pétrole qui se réunissent autour du buffet. C'est bien, bien le fun. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des activités. Il y a une marche de 5 km au centre-ville avec la ministre de la Santé, Ron Ambrose, face figée garantie. Hein? Ouais. Il fait très froid à Calgary. Et le député Blake Richards aussi qui propose à tous les délégués de prolonger leur week-end de congrès pour visiter Banff et faire un crochet vers Canmore pour peut-être se faire dévorer par un grizzly. C'est vraiment Mais politiquement, là, il se passe quoi pour vrai? Là? Ah, maudit que vous êtes peut-être avec votre... Ben ouais, non, mais c'est... Il y a plusieurs plénières intéressantes. Il y a 3 thèmes cette année. Dans la salle Palomino, il y a le thème développement économique. Comment réduire les impôts pour se fabriquer une raison de couper des services? Ah, OK, c'est bon. L'autre salle, le thème rôle du gouvernement, imposition et crime. Comment congédier une employée compétente lorsqu'elle révèle les quotas pour couper les chômeurs? Ah ouais. Et puis dans l'amphithéâtre Boyce, le thème tissu social du Canada, garder les autochtones dans l'indigence et préférer rencontrer des pandas. C'est vraiment le fun de celle-là. Il y a aussi la salle Quarter Horse, une mise à jour technologique, comment espionner le Brésil sans se faire pogner. Et, ça, ben, c'est long. Et plusieurs autres ateliers intéressants, là, coupure de prestations 101, réduction d'impôts aux riches 2.0, mépris des galeries artistiques, un rappel. Hein? Ouais. Bilan monarchique, comment exciter sa reine intérieure, ça va être le fun. Et les députés québécois vont donner une conférence sur l'art de se soumettre. Mm-hmm. Denis Lebel va être bien intéressant là-dedans. Bon. Et il y a des propositions intéressantes aussi, comme financer Radio-Canada en faisant payer les téléspectateurs. Hein. Dans cette optique-là, Joël Legendre et Élise Marquis animeraient le téléjournal. Et le soir, à Calgary, tout le monde joue au jeu du beurre noir à Trudeau. C'est comme la queue de l'âne, les yeux bandés, mais il faut aller placer correctement le beurre noir sur la face à Trudeau. Puis les conservateurs, ils manquent souvent leur coup. OK, mais il est où? Justin Trudeau. Là, vous l'avez pas vu, il parfait son image. Vous avez pas vu les nouvelles publicités là, écrites par Mélanie Joly? Non. Qui fait? Ah, écoute, ça, c'est les pubs de Justin Trudeau. Il est tellement décontracté. Il est spontané. Il est à l'aise. On dirait Patrick Lagacé qui fait un stand-up comique avec vous. Il est à l'aise. Là. Il est tellement à l'aise. Hey boy! Il doit être stiff. C'est tout? Hey, bon week-end. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour la soirée. Restez à l'écoute dans quelques instants. C'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Rascot, Jean Gagnon, Mathieu Beauchamp, Steve Côté, Philippe Robert, j'ai le grand Alex Courton. Un gros merci à nos invités de ce soir. Éric, tous les soirs à V, ben, du lundi au jeudi à 22h. À 22h. Et en janvier, on n'est pas couché, non? C'est quoi ça? Vendredi, tu t'es permis? Ben oui, c'est à quelle heure ça? Ben, on se parle, je sais pas, on n'a pas un de fête encore. Ben pas à 21h, c'est possible, OK? C'est pas à 21h le vendredi? Non? Non, ben je sais pas. Ben là, ben t'es pas à 21h, ça serait bête à maudit. Eh, ça serait bête. Ben OK, puis le 19 novembre, on achète tous hot dog. OK, et Lorraine Pintal, on va voir les pièces de théâtre au TNM. Bon. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde qui était ici ce soir. Écoutez notre balado et venez assister à l'enregistrement. On enregistre les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée. Qui est encore jeune?